j'ouvrirai ma peine. J'irai plus haut que les montagnes de douleur. Thank you. Zate ponga na zatonga moke Nde soso kukwa kome langaye Fredi Chibango aje kade mpete Kishilola na boulange Matius Tilanda e na wele Na Charlotte Olivier Saya Thierry Kabuya Campo Mwanda José